assis sur le rebord de ma fenêtre. Je prenais l'air, je me prenais la tête. Et toi en bas, tu me regardais en te demandant quand vais-je sauter. Toutes mes idées sur toi sont bien noires. Tu m'as laissé le goût, le parfum des grands soirs. De tes sourires perdus, illusoires. Où les fleurs du mal ont tes souvenirs. Le mensonge, l'alcool et les faux plaisirs. Qui couche avec toi pour mieux te séduire. Et moi je t'attends dans les larmes, dans le sang. Tout autour de moi tu me mens. Et mon âme se déchire dans le vent. Et moi je t'attends. La nuit s'est couchée sur ton visage. Toi qui vois des anges voler des présages. Saurais-tu me dire si j'irai mieux demain? Si mes larmes cesseront de couler. Si mon cœur pourra te pardonner. Attendre le printemps que le jour se lève. Laisser couler le temps pour qu'il puisse noyer mes peines. Des paradis perdus aux nids artificiels. Je te garderai en moi comme souvenir éternel. Et moi je t'attends dans les larmes, dans le sang. Tout autour de moi tu me mens. Et mon âme se déchire dans le vent. Et moi je t'attends. Mmh.